Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Salut Lucille. Bonjour Prudence. Alors qu'en est-il de la solution apportée par la Cour à l'établissement de la filiation avec une mère transgenre ? Nous l'avons vu la semaine passée, la modification de la mention du sexe sur l'acte d'état civil est à présent permis sans intervention médicale. La Cour d'appel de Montpellier s'est en effet retrouvée saisie par une mère transgenre qui s'est vu refuser l'établissement du lien maternel lors de la naissance de son enfant. Mais ce n'est pas la Cour qui aura le dernier mot, et on va le voir, cette question a suscité de nombreux débats au sein des juridictions. Tu nous as parlé de la place des droits fondamentaux dans ce débat. Quels sont les droits en concurrence ici ? Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant d'une part, et le droit à la vie privée, notamment le droit de disposer de son corps et de sa sexualité d'autre part. Donc si je comprends bien, le débat était de savoir si ce nouvel état civil des personnes transgenres portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout à fait. Et bien que la loi dite mariage pour tous en 2013, puis la loi bioéthique de 2021 qui grave dans le marbre la reconnaissance juridique d'une famille dont les parents ou les époux sont du même sexe, ici le débat va plus loin. En effet, la mère requérante, en l'espèce, est une personne reconnue comme femme sur son acte d'état civil, mais ayant encore les attributs génitaux masculins. Biologiquement, elle est père de l'enfant, mais socialement et juridiquement mère. Le souci étant que le droit français a une place prépondérante dans l'établissement de la filiation. Il s'agit là d'une évolution à contre-courant du droit commun de la filiation. Ne pas reconnaître la filiation n'est pas une option. Ce serait préjudiciable autant pour l'enfant que pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs s'il y en a. Et dans ce dossier-là, il y en a. L'établissement de la filiation a une conséquence pour la suite de la vie de l'enfant en matière d'autorité parentale ou encore de succession. La voie de l'adoption a ensuite été écartée d'emblée par la Cour, risquant ici de créer une fiction juridique ayant encore une fois des conséquences sur toute la famille. La Cour d'appel a donc tranché pour l'établissement du lien de la filiation par procréation en reconnaissant la mère biologique et un parent biologique. C'est ce terme qui a été retenu pour reconnaître le lien de filiation avec la mère transgenre. Ni mère, ni père, ni mes parents. Les juges expliquent que reconnaître la paternité représenterait une violation grave au droit à la vie privée et sexuelle, d'autant plus que ça irait à l'inverse de l'objectif de la loi qui permet la modification de la mention du sexe à l'état civil sans intervention médicale, mais reconnaître le lien maternel reviendrait à porter atteinte à la vérité biologique. J'imagine que les mères ont formé un pourvoi en cassation suite à la décision rendue en appel. Oui, c'est en novembre 2020 que la Cour de cassation vient mettre en balance l'intérêt supérieur de l'enfant face au droit à la vie privée et au droit régissant l'établissement de la filiation en France. Il rejette la qualification de parent biologique au profit de père. Pourquoi ce rejet ? Il confirme qu'une filiation biologique doit être reconnue, mais dans la mesure où les parents avaient déjà des enfants et que sur l'acte d'état civil, il était reconnu comme père, puisque le changement de sexe est intervenu après leur naissance, la Cour de cassation a estimé que cette situation crée une incohérence et une inégalité dans la fratrie. D'autant plus qu'aucune mention à un sexe neutre n'existe en France. C'est la Cour d'appel de Toulouse qui va clôturer le débat le 9 février 2022. Les juges décident d'établir la filiation maternelle de la personne transgenre en l'absence de tout texte et sur avis conforme du ministère public. Solution qui a été rendue du fait du vide juridique laissé par la loi bioéthique pour des enfants nés postérieurement à la modification de la mention du sexe à l'état civil, alors même que la maternité gestatrice n'est pas exclusive. Ce sont là les mots utilisés dans l'arrêt. Ça signifie qu'en l'absence de règles de droit précises, les juges ont reconnu une filiation maternelle pour une mère transgenre disposant de ses organes génitaux masculins. Oui, il a été transcrit sur l'acte de naissance, mère biologique non gestatrice, ce qui vient compléter le statut déjà reconnu de mère biologique gestatrice. Ça n'atteint pas les droits fondamentaux, puisqu'est reconnue une mère gestatrice et l'autre non gestatrice. Il s'agit là d'une décision qui a été prise dans l'urgence. Il n'est pas possible de laisser une famille et un enfant sans lien de filiation. Il va être intéressant d'observer les prochaines évolutions législatives et jurisprudentielles en la matière. Merci pour cette chronique. À bientôt, Lucille. À bientôt.